Chapitre 16e. La veuve désolée s'arrache de Scarsdale. Martial ne s'était jamais senti si complètement seul que pendant les mois d'hiver où l'aimable veuve condescendit à cacher sa splendeur dans les régions désertes de l'abbaye de Scarsdale. Quelque fragiles qu'eussent été les liens d'habitude sociale qui la réunissaient à son père avant l'arrivée de la brillante visiteuse de Sir Gaspard, il s'était beaucoup relâché depuis qu'elle y était installée. Madame Harding jouait infiniment mieux l'écarté que Marcia. Aussi le baronnet et sa fille ne passèrent-ils plus une heure de la soirée à la petite table de jeu, près du beau fauteuil luxueux qui était réservé dans chaque chambre pour le maître de l'abbaye. Les petites chansons rêveuses de Marcia avaient l'habitude d'amener tout doucement le placide sommeil du soir de son père, car il n'y avait aucun moment de la journée ou même de la soirée que le baronnet ne trouvât profitablement employé à faire un voluptueux petit somme. Mais il ne se souciait plus d'entendre éclate, éclate, ni humble et paisible, ni le chant le plus doux et le plus tendre qui ait jamais été composé par un poète terrestre. La plaintive ballade de Longfellow, dont la musique pleine de tristesse nous fait entendre le flot de la paisible marée qui s'engouffre et va et vient sous les pilotis de bois, et le solennel retentissement des cloches de l'église sonnant minuit. Sir Gaspard avait presque aimé ces pensives balades quand lui et Marcia passaient les longues soirées d'hiver dans cette agréable indolence qui donne tant de loisir à la pensée. « Cette romance de Longfellow m'a toujours fait pleurer, » disait le baronnet. « Je ne sais pourquoi nous la remoyons, parce qu'un individu s'arrête sur un pont à minuit quand les cloches sonnent l'heure. Je l'ai fait moi-même sur le pont de Westminster, après une discussion à la chambre, lorsque j'avais l'honneur de représenter mon comté natal, quoique je ne fusse pas sentimental. L'abbaye de Westminster était tout près, mais le divin afflatus devait être bien loin car je ne fus pas inspiré. Nous sommes un peuple commerçant, Marcia, et je ne suppose pas que nous ayons jamais un autre Shakespeare. Ce n'est pas que je le regrette, car en considérant le bruit que nous faisons pour un que nous avons, et la façon dont nous arrivons à le mal interpréter, et à le ridiculiser chaque fois que nous voulons lui rendre nos civilités post-mortem, depuis l'époque de Garrick et de Foote jusqu'à nos jours, j'imagine que l'existence ne serait pas supportable si nous en avions deux. Heureusement, cela ne sera point. Le siècle et les circonstances sont contre un autre, William. Tout Shakespeare doit commencer par garder des chevaux aux portes d'un théâtre, et comme généralement personne ne va au théâtre à cheval aujourd'hui, je ne vois pas comment cela pourrait arriver. La première et la meilleure chose qu'il y aurait à faire pour lui serait de s'élancer du milieu des crieurs qui s'égosillent à pleines voitures et de se trouver sur notre chemin que nous attendons. Mais à moins que la stupidité dans les choses les plus ordinaires soit le signe d'un génie sublime, je ne puis dire que j'ai jamais rencontré un barde en herbe parmi cette espèce de gens. Non, ma chère Marcia, nous sommes un peuple manufacturier. Vous pouvez être certaine que la poésie s'en va quand les grandes cheminées arrivent. Comment l'abbaye de Westminster pourrait-il inspirer quelqu'un aujourd'hui? Un poète la regarderait avec un frisson d'horreur à l'idée d'être enterré dans le voisinage où l'on fait bouillir une si grande quantité de savon. Et cependant, la poésie est une très charmante chose. Longfellow, avec quelques mots simplement rimés, nous représente un homme arrêté sur un pont, plongé dans la méditation, la lune, l'eau, l'horloge d'une église, et c'est tout. Et le malheureux le plus fort en mathématiques ne peut entendre cela sans sentir sa gorge se serrer et avoir un brouillard devant les yeux. Arrangez les mots autrement, et ils seront plats et sans signification. Ôtez une syllabe, et cette musique magique est rompue et devient discordante. Il en est de même des notes qui composent « L'espérance nous dit une radieuse histoire ». Il suffit du changement d'un habile plagiaire pour les transformer en une mélodie éthiopienne comique, et par le même procédé, le vieux gentilhomme anglais devient la parodie de la dernière rose de l'été. C'est donc après tout l'arrangement qui fait le génie. Un homme trouve par hasard quelques pieds de céleri qui poussent en dehors de leur bourriche, et nous avons ainsi le merveilleux chapiteau de l'architecture corinthienne. Un autre lève les yeux et voit dans une avenue de forêt des branches former une voûte, et toutes les villes de la terre sont embellies par des temples gothiques. Et vous et moi, ma chère, tout en restant tranquille, Nous nous réjouissons par la conviction que chaque jour, une centaine de cervelles souffrent et se torturent pour trouver quelque chose qui nous soit avantageux. Depuis l'aimable philanthrope qui porte son attention sur nos fourneaux de cuisine, jusqu'au monomane qui essaie de trouver la pierre philosophale. Mademoiselle Denison s'était très bien contentée de passer les sombres après-midi et les longues soirées d'hiver dans la société de son père. Une agréable familiarité, respectueuse d'un côté et cordiale de l'autre, avait existé entre eux. Le baronnet, qui avait négligé sa fille pendant la vie de sa sœur, s'était résigné à sa destinée maintenant qu'il se trouvait réduit à sa société. Il la traitait aussi bien qu'il eût traité toute jeune femme aimable, que les circonstances eussent rendu la commensale de sa maison, et Marcia avait été une des plus patientes compagnes qui ait jamais fait le bonheur du foyer d'un homme isolé. Elle avait été son antagoniste à l'écarté, lui avait chanté ses mélancoliques ballades, joué ses nocturnes rêveurs et ses sonates classiques, ses murmurantes et endormantes mers d'été, exprimées par des arpèges mineurs, ses ruisseaux et ses fontaines coulant doucement, ses aurores et ses crépuscules, ses cloches du monastère, enfin toute la musique sentimentale et imitative des compositeurs modernes, avec un infatigable désir de plaire à son compagnon solitaire. Elle avait été la plus attentive et la plus infatigable auditrice quand son père se décida à y mettre ses idées frivoles, et aussi une intelligente interlocutrice, comme le baronnet le savait très bien, quoiqu'elle s'aventurât rarement à discuter avec lui. Enfin, ils avaient été presque heureux ensemble, et malgré qu'elle n'eût jamais été aimée par son père, Marcia ressentait une petite douleur aiguë ressemblant presque à de la jalousie, quand la brillante veuve usurpait sa place et se réservait la tâche d'amuser Sir Gaspard, qui de toute manière était inamusable et était en vérité insultant très facile tant qu'on le laissait s'amuser à sa guise. Mais comment se faisait-il que Madame Harding fût parvenue à mettre complètement Marcia de côté et à devenir la principale compagne de Sir Gaspard? Comment se pouvait-il que le baronnet trouvât Blanche Harding, la superficielle et prétentieuse veuve, une compagne plus agréable que la gentille Marcia, dont l'intelligence était si agréablement tempérée par la modestie féminine, dont les manières étaient si complètement sympathiques et si distinguées? Marcia, assis silencieusement à un des coins de la cheminée, pendant que Sir Gaspard et Madame Harding jouaient à l'écarté de l'autre, en débitant des futilités et des niaiseries, ne fut pas longue à s'apercevoir d'où venait le charme de sa sirène. La veuve tirait son plus magique pouvoir de la vanité de sa victime, et son plus grand art consistait à cultiver sa propre faiblesse. Elle le flattait. Sir Gaspard était immortel, et Sir Gaspard aimait l'encens. Madame Harding entretenait le brasier parfumé aussi constamment que s'il eût été le feu sacré que les classiques vestales surveillaient avec tant de soin avant la faute de Réa et la naissance de Rome. Par chaque mot, chaque geste, chaque regard ou chaque son de voix, Blanche Harding savait renouveler le souffle de l'insidieuse vapeur dont l'influence énervante jetait le baronnet dans une délicieuse satisfaction de lui-même. Le premier effort d'une femme habile qui veut rendre un homme amoureux fou d'elle est de le rendre d'abord amoureux fou de lui. Madame Harding avançait très rapidement dans ce procédé initiatif, mais elle attendait chaque jour l'heure triomphante où le baronnet tomberait tout doucement, sans en avoir conscience, de la satisfaction de lui-même, dans l'admiration de sa compagne, l'heure dans laquelle, au lieu de murmurer avec calme, « En vérité, je suis réellement l'homme le plus irrésistible, et c'est une personne extrêmement sensible. » Il s'écrierait avec un élan d'enthousiasme, « Sa présence est la lumière de mon âme, et sans elle, ma vie serait un fardeau. » C'était cette mystique transition que Madame Harding attendait. Mais le moment magique était lent à arriver. Sir Gaspard acceptait l'encens et voulait le voir brûler jusqu'à ce que, dans un sens métaphorique, le bras de la veuve fût fatigué de balancer perpétuellement l'encensoir. Mais Sir Gaspard, évidemment, considérait l'hospitalité qu'il donnait à Blanche à l'abbaye comme une récompense suffisante pour ses gentilles flatteries. Et il n'avait aucune idée de lui offrir une meilleure rémunération pour son agréable adulation. Le mérite supérieur de la flatterie d'une femme adroite est de ne pas ressembler à la flatterie, et le baronnet incrédule acceptait chaque mot des discours mielleux de Madame Harding et n'avait nullement conscience qu'elle pût être autre chose qu'une femme très sensible. Une petite mondaine prudente et positive, cela va sans dire, tout à fait capable de fondre sur la moindre occasion de la métamorphoser en Lady Denison. Cependant, en thèse générale, une créature réellement candide avec beaucoup de bon sens. Puis, la comparant avec sa fille, Sir Gaspard trouvait qu'elle était enthousiaste et bonne appréciatrice. Combien il était charmant de voir ses yeux noirs resplendir d'une vive lumière, et toute sa belle personne rayonner d'un soudain éclat presque surnaturel, lorsque l'enthousiasme s'emparait d'elle, après un discours de son hôte, et qu'elle s'écriait « Ah, Sir Gaspard, quel orateur vous eussiez fait !» Je ne puis rien trouver de pareil au petit élan d'éloquence que vous venez d'avoir. Depuis le discours d'Edmund Burke sur Marie-Antoinette, et cependant je gagerais que vous savez à peine que vous êtes éloquent. Ou, oh, Sir Gaspard, si seulement vous aviez été avocat, mon favori, Brougham, aurait veillé sur ses lauriers, je le crains. Et cependant votre style n'est pas tout à fait celui de Brougham. Il a une légèreté, un enjouement, un je ne sais quoi, un... Puis-je me servir d'un mot d'argot, un chic, qui n'appartient qu'à vous. Mais moi, je ne suis qu'une femme stupide, et j'ai bien peur de ne dire que des bêtises. » Madame Harding pleurait à cette conclusion avec une naïveté enfantine, mais Sir Gaspard était extrêmement tolérant pour cette espèce de niaiserie. Et cependant, Madame Harding n'était pas satisfaite. Seule dans sa chambre, elle passait tristement la brosse sur ses longs cheveux noirs. Il y avait des nattes qu'elle avait déposées dans une boîte, mais ses cheveux n'étaient ni peu abondants ni suffisants. Car il y a des femmes qui, dans la lutte de la vie, ne peuvent garder leur âme intacte, mais qui cependant conservent leur beauté jusqu'à leur dernier jour. Les gens dont les cheveux deviennent gris, ou dont les boucles deviennent rares par les tortures du remords, ne sont pas nombreux. La constitution bilieuse de Robespierre eut plus d'influence sur son teint que le sang de tous les Girondins, et nul doute que l'odieux dictateur ne subit une plus terrible visite sous la forme d'un cauchemar, de la tarte aux confitures qu'il avait volée dans sa jeunesse, que du fantôme de Madame Roland. Madame Harding avait commis plusieurs mauvaises actions dans sa vie, mais elle avait eu un très grand soin de son teint. Elle n'avait jamais consommé l'huile de minuit des savants, ni rendu sa digestion difficile par des viandes mal choisies, et le doigt du souci avait tracé peu de lignes sur son front blanc et élevé. L'élégante veuve était établie à l'abbaye de Scarsdale depuis près de 3 mois, et sa figure prenait presque une expression d'anxiété lorsqu'elle se regardait dans la glace. C'était la figure d'une femme qui, selon toute apparence, n'était jamais disposée à faire dans la vie le moindre pas sans un but arrêté. Il devenait de jour en jour la figure d'une femme qui commence à prévoir la possibilité de ne pas réussir. Si Madame Harding n'eût été qu'une coquette, appliquée seulement à récolter un perpétuel tribut d'admiration, et si elle ne fût venue à l'abbaye qu'avec le projet de subjuguer Sir Gaspard par l'influence de ses charmes, assurément, elle aurait eu quelques raisons d'être satisfaite de son succès. Marc-Antoine, dans sa plus grande faiblesse, ne se soumit jamais plus complètement à la domination de Cléopâtre que le cynique baronnet aux fascinations de son hôte. Soirée par soirée, il se laissait éblouir par l'éclat de sa beauté et était enivré par les douceurs qu'il lui administrait si insidieusement dans sa conversation. Mais si, au contraire, la variante veuve était venue à Scarsdale avec de plus sérieuses intentions, si elle souhaitait s'emparer de la main et de la fortune du baronnet, elle n'avait certainement fait aucun progrès. Elle avait de bonnes raisons pour froncer maussadément le sourcil devant la beauté impuissante qu'elle contemplait le soir pendant qu'elle était occupée à brosser ses cheveux. Sir Gaspard était fasciné, mais il était prudent. Sir Gaspard acceptait le joug de son beau tyran, mais il savait qu'il devait être sur ses gardes. Lorsque les flatteries de Madame Harding étaient les plus douces, quand la goutte intellectuelle du noyau, de l'eau-de-vie de Danzig ou du marasquin renfermé dans les bonbons de sa conversation était la plus délicieuse au palais de l'épicurien, la prudence qui veillait toujours inspirait la langue de Sir Gaspard. Il acceptait toutes les charmantes attentions qui rendaient ses soirées si agréables, mais il les acceptait tout en déclarant qu'elles étaient aussi inoffensives que combinées avec art. Il disait de lui qu'il était un vieillard, arrivé à l'âge où un homme peut se réchauffer aux rayons de l'amabilité féminine sans craindre d'attraper la fièvre ou un coup de soleil. Pour un homme de mon âge, Vénus, l'implacable déesse, se change en sort de charité, et Cupidon abandonne ses flèches empoisonnées pour la cuillère qui remue le bouillon ou l'eau d'orge de l'ordinaire d'un invalide. Un homme de mon âge n'est pas tout à fait un bavard sans utilité, car sur lui, une charmante femme peut essayer et porter à la perfection l'art par lequel elle pourra plus tard subjuguer de plus jeunes adorateurs. C'est seulement à l'époque de la vie où l'amour serait une stupidité et le mariage un acte extravagant qu'un homme peut trouver un plaisir sans mélange dans la société féminine. Il peut être aussi éloquent qu'il lui plaît en exaltant les charmes qui le fascinent, l'esprit qui réjouit ses heures sur leur déclin, la tendresse qui compatit à ses douleurs, et il ne craint pas que ses phrases sans cérémonie soient répétées au banc des témoins au milieu des rires étouffés d'un auditoire encombré ou servent de sujet aux plaisanteries inconsidérées d'une réunion populaire. Tout en plaisantant, le baronnet se défendait lui-même, même lorsque la veuve était le plus séduisante et l'asservissement de sa victime le plus complet. Quelquefois, Madame Harding parlait de quitter l'abbaye, et le baronnet se disait désolé outre mesure à l'idée de son départ. « Que deviendra Marcia sans sa délicieuse amie ? » s'écria-t-il. « Et le papa de Marcia sans ses boléros espagnols et son écarté ?» Sir Gaspard insistait en disant qu'il était un vieillard. Quel caprice d'un vieillard devait rencontrer quelque indulgence près d'une beauté compatissante, lors même que cette beauté serait pressée d'étendre ses ailes et de voler vers de plus beaux horizons. Je sais que Scarsdale est une espèce de ferme moderne entourée de fossés, disait-il, et que vous devez être très souvent ennuyé et souhaiter la mort de vos tristes hôtes, si même vous ne souhaitez la vôtre. Mais si vous pouvez nous supporter un peu plus longtemps, soyez clémente et repliez vos ailes pour rester une semaine ou deux à notre foyer, avant de vous envoler vers les autres papillons. Naturellement, Madame Harding protestait qu'elle avait été heureuse et au-delà de ce qu'on peut dire à la chère vieille abbaye. Chaque endroit qu'elle visitait était cher, adorable ou ancien, dans le vocabulaire fleuri de la veuve. Elle avait plusieurs engagements pour le printemps, elle avait attiré une sorte de disgrâce sur elle, et avait offensé une quantité d'amis en prolongeant son séjour à l'abbaye. Mais si Sir Gaspard lui disait qu'elle devait rester encore une autre semaine, elle ne pourrait résister à sa flatteuse requête et se déciderait à continuer à offenser tout le monde et resterait en dépit de tout. Cette petite comédie s'était renouvelée 4 ou 5 fois, et les vieux ifs, bizarrement taillés de l'ancien jardin de Marcia, se balançaient de tous côtés sous le vent froid de mars, quand Madame Harding, après plusieurs soirées de contemplation devant sa glace, trouva que décidément elle ne pouvait prolonger davantage sa délicieuse visite, car une chère amie, demeurant dans le voisinage de Maida Vale, à laquelle elle avait promis d'aller la voir dès janvier, ne pouvait être négligée plus longtemps. « Si mon ami n'était pas malade, je ne penserais pas encore à m'arracher d'ici, » murmura la veuve avec un plaintif soupir. « Mais c'est un devoir, plutôt qu'un plaisir, qui me force à vous quitter, très chère Marcia. Vous ne verrez pas mon nom dans votre poste. » Sir Gaspard figurait dans aucune grande réception de la saison. « Je resterai près de la couche d'une malade et passerai de tranquilles heures dans une chambre sombre. Ma plus grande distraction sera une promenade par hasard dans le parc. Oh, comme je songerai aux heureuses soirées d'ici, Marcia !» s'écria la veuve, en saisissant la main de Mademoiselle Denison et en invitant vainement la jeune personne à se joindre à son élan. Marcia n'avait pas pressé la veuve de rester, et elle ne fit entendre aucune lamentation quand le départ de sa commensale devint évident. Elle n'avait jamais aimé Madame Harding, et elle aimait encore moins depuis le jour où la veuve lui avait fait une vague dénonciation contre Pauncefort. Il y avait même des moments où Marcia était forcée de combattre un fâcheux sentiment vis-à-vis de la brillante veuve, sentiment qui ressemblait beaucoup à de la haine. « Je serai meilleure chrétienne lorsqu'elle sera partie, » pensait Marcia. « Comment papa peut-il accepter ces odieuses flatteries et ne pas s'apercevoir combien elle est fausse et perfide ?» Il ne peut croire Saint Matthieu, et cependant, il prend chaque mot de cette horrible femme pour parole d'évangile. Quand une fois Madame Harding eut annoncé que son amie malade, Maida Vale, ne pouvait attendre plus longtemps, elle ne perdit pas de temps à mettre sa menace de départ à exécution. Elle parla déjeuner de son départ. Elle annonça après le déjeuner qu'elle allait consacrer toute la journée à emballer ses malles, afin de quitter Scarsdale de bonne heure le lendemain. En parlant de faire ses paquets, elle regarda le baronnet très attentivement, mais Sir Gaspard ne broncha pas. Il lui offrit les services de la femme de chambre de sa fille et la pria de considérer tous ses domestiques comme étant à sa disposition. Dans cette occasion, c'est un acte de sublime abnégation que de concourir à hâter votre départ, dit Sir Gaspard. Mais puisque vous êtes décidé à nous quitter, nous devons faire tout ce qui peut rendre votre départ facile. Lorsque vous serez fatigué d'un monde joyeux, ah, j'oubliais, sans aucun doute, une malade, murmura le baronnet, comme Madame Harding était sur le point de l'interrompre. Lorsque vous aurez essayé d'une autre espèce de métairie entourée de fossés, vous vous résignerez à l'idée de nous revenir, à l'automne prochain peut-être, quand chaque percée dans les bois formera un Creswick, et chaque champ de blé un Linel. Remenez-nous cet automne, si vous pouvez. Vous ne serez pas capable de rester plus longtemps près de votre ami malade. Comptez là-dessus. Le plus brillant esprit s'affaiblit dans une atmosphère perpétuelle de tisane. Et vous aurez le temps de faire une tournée de visite entre ce moment et l'automne. Vous pourrez donc payer toutes vos dettes. Ou à tout événement, comme on dit, faire un arrangement avec vos créanciers à raison d'une semaine par mois. Et vous ne reviendrez quand les moissons seront faites et les premières orges rentrées. Mot qui, par parenthèse, ne rime pas plus que certaines rimes d'Olivier Goldsmith. Laissez-nous espérer que vous ne reviendrez. Si Adam et Ève avaient pu espérer rentrer dans l'Éden, une partie de l'amertume de cette grande expulsion n'aurait pas existé. Lorsque le baronnet se fut retiré dans sa retraite favorite sous l'ombre de Neptune, Madame Harding se rendit à sa chambre et commença la grande opération d'emballer ses moires brillantes et ses velours éclatants qu'il avait aidé à éblouir son hôte durant les soirées d'hiver, aussi bien que les jolis cachemires et les foulards avec lesquels elle l'avait charmé chaque matin dans un déshabillé soigneusement étudié. Le front de la veuve était très soucieux pendant qu'elle pliait tous ses engins de guerre féminins et serrait un arsenal complet de délicats instruments à l'aide desquels elle obtenait l'effet de la partie décorative de sa toilette. Plus d'une fois, en continuant d'empaqueter ses effets, Madame Harding sentit le besoin d'une assistance masculine. Elle désirait des suppléments du Times pour mettre sur le dessus de ses boîtes, et tout en ayant tous les domestiques de Sir Gaspard à sa disposition, elle préférait faire appel à Sir Gaspard lui-même. Elle envahit la retraite du baronnet avec beaucoup d'excuses et de cérémonies, et pendant que Sir Gaspard abandonnait la lecture attentive des phases de la loi de Newman pour chercher quelques vieux journaux, elle commença à entrer dans une suite d'effusions lamentables sur la nécessité de son départ. Mais la prudence du baronnet ne lui fit pas défaut, même à ce moment critique, et lui tendit les suppléments du Times aussi froidement que s'il lui livrait de vieux papiers vendus à un marchand de beurre de Roxborough. « Comme vous êtes bon, et comme vous me manquerez, Sir Gaspard, » murmura la veuve tristement. « Et quelle malheureuse créature vais-je être quand je n'aurai plus votre puissante intelligence pour me soutenir, quand je ne saurai plus où j'en suis ?» Les façons de Madame Harding auraient pu faire penser que les suppléments du Times, que lui tendait en ce moment Sir Gaspard, impliquaient un service que nul autre sur la terre n'aurait pu lui rendre. « Et cependant, » ajouta-t-elle, en regardant avec intention le baronnet dans son attitude favorite et en poussant un profond soupir, « peut-être est-ce un bien que je m'en aille, car ces derniers temps j'ai senti mes opinions terriblement ébranlées, et le ciel seul sait ce que je serais devenu, moralement parlant, si j'avais fait un plus long séjour ici. Vous rappelez-vous ce que Coventry Patmore a dit? Prenez garde à quelle religion il appartient, car la vôtre, avant qu'il soit longtemps, sera la même. » Il disait cela à une femme à propos d'un homme qu'elle allait épouser. Mais quelle influence peut être plus forte que celle d'un ami que nous admirons et respectons? La veuve laissa tomber la voix en disant ces derniers mots et l'exécuta avec ses paupières une petite manœuvre qui était tout ce qu'il y avait de mieux pour les faire rougir. « Oui, Sir Gaspard, » continua-t-elle de son ton le plus rêveur, « je suis bien aise de m'en aller. Vous avez été un dangereux compagnon pour moi. » Le baronnet sourit. le côté le plus faible de son caractère recevait une rude attaque. Madame Harding ressemblait au roi qui pensait que Paris valait bien une messe, et elle se serait reconnue voltairienne sans une minute d'hésitation si, par ce petit sacrifice, elle avait pu obtenir le moindre avantage. La dragée était particulièrement séductrice, mais même en l'avalant, le baronnet resta fort. « Vous méconnaissez la force de votre intelligence, ma chère Madame Harding, » dit-il. « Votre esprit est trop puissant pour être influencé par le mien. C'est moi qui aurais eu raison de vous craindre. À présent, je ne crois rien, et je suis résigné. Si je vous avais écouté, j'aurais cru un peu et j'aurais été malheureux. » Pendant toute la journée, Sir Gaspard fut troublé dans sa retraite par les incursions de la brillante veuve. Elle avait besoin d'étiquettes pour coller sur ses malles, et s'imaginait que le cabinet du baronnet était le seul endroit où elle devait en trouver. Elle avait besoin de se renseigner sur les trains, et Sir Gaspard était la seule personne dont l'intelligence pouvait lutter avec le Bradshaw. Et à chacune de ses visites dans la bibliothèque, il y avait une petite conversation, tantôt sérieuse, tantôt plaisante. Mais lorsque Madame Harding eut achevé ses paquets et sa toilette pour le dîner, sa figure était encore assombrie par des nuages. Il y avait autour de sa bouche une dure expression de mécontentement qui indiquait que le résultat de sa longue visite était mauvais. Elle mit la robe de soie noire avec laquelle elle devait voyager le lendemain. Il n'était que 4 heures quand sa toilette fut achevée, et elle resta à regarder à sa croisée dans une attitude nonchalante, avec un air abattu qui ne ressemble en rien à la figure qui venait de rayonner sur Sir Gaspard Denison. Serait-ce une belle chose, après tout, de posséder tant d'arbres et tant de prairies, pensait-elle, et de tenir un certain rang parmi les familles les plus huppées du comté? Les Catherine étaient des gens plus importants autrefois qu'aucune famille à 20 000 à la ronde de Roxborough. Mais je n'ose pas prendre le nom de Catherine. C'était par une belle après-midi, et les corbeaux s'ébattaient sans bruit sous un soleil froid. Après être resté quelque temps plongé dans la triste contemplation du paysage, Madame Harding quitta la fenêtre avec impatience. « Je vais sortir, » murmura-t-elle. « Peut-être une marche rapide à l'air frais, » me remettra-t-elle de meilleure humeur. Elle s'enveloppa dans un grand manteau de velours, ayant de larges manches qui couvraient ses bras nus jusqu'aux poignets, et elle mit un chapeau espagnol à plumes qui convenait à son audacieuse beauté. Elle n'avait pas vu Marcia de la journée, et même maintenant, elle ne cherchait pas Mademoiselle Denison. Elle alla droit à une petite porte donnant sur la terrasse, et traversa la grande pelouse et le grand parc, puis s'enfonça dans le bois. Quelque chose, à peine un but défini, mais plutôt une irrésistible fascination, conduisait la veuve vers le romantique endroit où l'habitation de Pensfort était cachée. Elle marcha vivement le long de l'étroit sentier sinueux, bien enveloppée dans son manteau de velours. Mais à 100 mètres de l'ermitage, un endroit où 2 sentiers divergeaient dans la profondeur du bois, elle s'arrêta tout à coup à la vue d'un petit groupe encore à une certaine distance. C'était un groupe de 3 personnes, Marcia, Pensfort et Dorothée, que le manteau écarlate et le panier qu'elle portait faisaient ressembler au petit chaperon rouge. Madame Harding se mit de côté à l'ombre des arbres et surveilla les personnes qu'elle venait d'apercevoir. Le locataire de Sir Gaspard et la fille de Sir Gaspard se donnaient une poignée de main pendant que Dorothée se tenait paisiblement près d'eux. « Très cordial en vérité, Mademoiselle Denison, » murmura la veuve avec dépit. « Je comprends maintenant pourquoi vous et moi ne pouvons nous souffrir. Vous me détestez parce que je ne suis pas l'ami de Pensfort. » Puis après une pause, l'observatrice pensa. « Lui a-t-il dit quelque chose ?»« Non, il a trop d'orgueil pour parler. » Il mourra sans dévoiler son secret. « J'ai des raisons de savoir combien elle peut souffrir pour la satisfaction de son orgueil. » Pensfort et Marcia restèrent encore quelques minutes ensemble après leur poignée de main. Le locataire de l'ermitage avait accompagné Mademoiselle Denison dans une de ses charitables visites au village. Ils allaient et venaient en causant et leurs 2 voix s'élevaient dans l'air du soir. Celle de l'homme sonore et profonde, celle de la femme très douce et très claire. Puis George leva son chapeau, la petite Dorothée fit une révérence, et Marcia et sa suivante prirent vivement le sentier dans la direction conduisait à l'abbaye. En marchant droit en avant, Madame Harding devait se trouver face à face avec le locataire de Sir Gaspard. C'est ce qu'elle fit en surveillant la physionomie de l'homme qui s'avançait vers elle sans la voir. Le visage du locataire était très animé au moment où il quitta Marcia, mais il se rembrunit peu à peu à mesure qu'il s'approchait de la veuve, et lorsqu'il leva tout à coup les yeux sur elle, surpris par le frou-frou de ses vêtements de soie, il avait la figure d'un homme auquel il reste peu d'espérance sur la terre. Elle devint encore plus sombre quand il reconnut Madame Harding. « Vous !» murmura-t-il, puis il salua froidement et voulut continuer son chemin. La veuve l'arrêta. Il y avait une audace insouciante dans sa manière de le regarder, dans le ton de sa voix en lui parlant, qui ressemblait presque à l'insolence de quelque créature diabolique défiant l'être supérieur qui la foulait aux pieds. « Une rencontre avec moi vous est très désagréable en ce moment, je suppose, monsieur Pounceforth ?» dit-elle en ricanant. La petite pause qu'il fit avant de lui donner le nom qu'il portait à Scarsdale disait aussi clairement que les mots les plus nets, que Pounceforth n'était pas son nom, et qu'elle connaissait son nom véritable. « Une rencontre avec vous en tout lieu, dans n'importe quelle circonstance, me sera toujours désagréable. » répondit le locataire de Sir Gaspard, essayant encore de passer et ne pouvant le faire, le passage étant toujours barré par l'imposante personne de la veuve et l'ampleur de ses vêtements. « Mais particulièrement désagréable cet après-midi, je le sais, » dit-elle. « Particulièrement désagréable cet après-midi. Un trop grand contraste est toujours pénible. Et le contraste entre Marcia Denison et moi est très grand, j'imagine. Grâce à Dieu, oui. » « Quelle raison ont ces actions de grâce à propos d'elle ?» s'écria la veuve. « Elle ne vous est rien, et ne peut jamais vous rien être. Elle est beaucoup pour moi. Elle est la femme qui, lorsque mon respect pour les femmes avait complètement disparu, du moins je le pensais, m'apprit qu'il y avait parmi elles encore de beaux caractères. Elle m'apprit qu'une femme peut être charmante, et cependant n'être pas hypocrite, belle et sans la moindre coquetterie. Elle m'apprit qu'il peut y avoir d'heureux maris, ayant foi dans l'amour de femmes fidèles, des mères qui n'abandonneraient pas leurs enfants malades, des sœurs dont les confidents de jeunes filles ne réjouissent pas le diable. « Caroline, s'écria George tout à coup, pourquoi me poursuivez-vous ? J'ai passé les meilleures années de mon existence dans les régions les plus sauvages et les plus tristes où l'homme puisse jamais pénétrer, dans l'espérance que je pourrais oublier votre figure. » et le temps où elle m'était familière. Je reviens, brisé d'esprit, le corps usé, pour trouver quelque lieu où je puisse me reposer, oublié sous l'ombre d'un feuillage épais, à la portée du visage anglais, pour me veiller quand je mourrai. Et même ici, dans ce coin du monde, où je me suis résigné à vivre et à mourir, aussi bien oublié de mes parents que de tous ceux qui me connaissaient, même ici, vous me poursuivez, même ici, les plus amers souvenirs de ma vie reviennent plus vivaces que jamais à la vue de votre figure. Vous ai-je jamais fait quelque mal ou refusé quelque privilège ?»« Oh non !» répondit Madame Harding avec le même ton moqueur qu'elle avait pris d'abord. « Vous avez été très généreux, avec l'argent dont vous n'avez pas besoin. Si vous avez épargné ceux qui vous ont fait du mal, vous les avez épargnés pour le plaisir de votre orgueil, et non par pitié pour eux. Je ne pense pas, pour ma part, vous devoir pour cela aucune reconnaissance. « Peut-être pas, » répondit le locataire tristement. « J'ai épargné mon orgueil, et j'ai épargné mon nom. Il n'a pas été traîné dans la boue. Maintenant, laissez-moi passer. Je quitterai ce pays demain. Je ne veux pas courir le risque de vous rencontrer encore. Il n'y a nul danger à cet égard. Je pars moi-même de bonne heure demain. Il est inutile que vous quittiez votre retraite favorite. Vous n'avez pas besoin d'abandonner vos nouveaux amis. Vous pourrez encore porter et distribuer par les chemins les épiceries de la société Dorcas et Mademoiselle Denison. Comment osez-vous prononcer son nom en vous moquant ? Comment pourrais-je m'empêcher de me moquer de l'adieu sentimental dont je viens d'être témoin ? Caroline, s'écria Pounceforth, je n'aurais pas cru que même 15 années employées à mal faire eussent pu vous transformer en un tel démon. Le bras droit de la veuve pendait négligemment à son côté, et avant qu'elle eût le temps de lui résister, le locataire de Sir Gaspard saisit son poignet et releva la large manche de velours qui entourait son bras nu, au milieu duquel on voyait une cicatrice mal cachée par un bracelet. Il souleva son bras un moment et le contempla, puis le laissa retomber. « Pardonnez-moi, » dit-il. « Je commence à croire que j'étais la victime de quelque conspiration infernale. Maintenant, si vous avez quelque chose à me dire, parlez vite et laissez-moi m'en aller. Je n'ai rien à vous dire, excepté que je me rends à Londres, que j'irai chez M. Williams ou que je lui écrirai. Il sera toujours disposé à vous voir et à s'occuper de vous ainsi qu'il l'a toujours été. Adieu, adieu. » Encore une fois, le locataire de Sir Gaspard leva son chapeau plus froidement et plus respectueusement que lorsqu'il avait salué Mademoiselle Denison. La veuve le suivit des yeux comme il s'en allait, puis regarda sa montre et, trouvant qu'il était plus de 6 heures, elle retourna en hâte à l'abbaye.